enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant avec un peu de chance s'entend le silence et ça pleure des diamants et ça rit à n'en savoir que faire et ça pleure en nous voyant pleurer, ça s'endort de l'or sous les paupières et ça dort pour mieux nous faire rêver. Un enfant, ça écoute le merle qui dépose ses perles sur la portée du vent. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Et ça demande si les nuages ont des ailes, et ça s'inquiète d'une neige tombée, et ça s'endort de l'or sous les paupières, et ça se doute qu'il n'y a plus de fées. Mais un enfant, et nous fuyons l'enfance. Un enfant, et nous voilà passants. Un enfant, et nous voilà patience. Un enfant, et nous voilà passés.